La route, c'est un peu la même chose. C'est l'octogone de la vie, de la circulation. Qui domine la voiture? Ça fait-tu de la grosse pépine à du monde? Peut-être. Mais la réalité, c'est qu'on fait plus de chars que de flots à Québec. Les chiffres sont sortis. Et même à Montréal, dans cette capitale du ski de fond, de la tourbe, du transport en commun et du vélo en aluminium qu'il faut pas placer de pub dessus parce que c'est un symbole du capitalisme débridé, même dans cet endroit un peu ludique où la réalité n'existe plus, la voiture est encore roi et maître de l'octogone de la vie. Vois-tu à Montréal? Par contre, je pense qu'il va falloir prendre exemple un petit peu sur Montréal. Pardon? Je serais curieux de voir les chiffres à Québec concernant les contraventions aux cyclistes. À Montréal, les policiers semblent faire leur job concernant le non-respect de la signalisation. En 2010 et 2012, le nombre de tickets a augmenté de 40% à Montréal. Le nombre de tickets qu'on donne aux cyclistes qui ne respectent pas la signalisation. Pourquoi j'ai l'impression qu'à Québec, il n'y en a pas de tickets qui se donnent aux cyclistes? J'ai l'impression qu'il n'y en a pas pantoute, là. Je te parle même pas de hausse ou de baisse. On surveille même pas. J'ai l'impression qu'on surveille même pas. Peut-être que des policiers pourraient me dire le contraire. Puis je serais curieux d'avoir les chiffres, puis j'aimerais ça avoir la réalité, le portrait de la réalité. Mais souvent, j'ai l'impression qu'à Québec, on n'applique pas les règles pour les cyclistes. Il y a des campagnes de sensibilisation où on demande aux automobilistes d'être vigilants et de dénoncer, par exemple, un conducteur en état d'ébriété. Mm-hmm. Est-ce qu'on peut inviter les conducteurs à faire la même chose devant des comportements criminels de cyclistes qui risquent leur vie en voulant, je sais pas, prouver un point, en voulant pas débarquer le pied sur le pédale parce que ça foque le cardio? Je sais pas, j'ai encore vu en fin de semaine des comportements où si j'avais pas été... Moi, j'ai appris à conduire en char en me faisant dire par mon père, regarde, prends pour acquis que partout autour de toi, c'est des imbéciles. C'est des imbéciles. Puis ça, les cyclistes le font pas, hein. Ouais. Honnêtement, un cycliste, là, même s'il est sur sa verte, il devrait regarder aux quatre coins de l'intersection. Oui. Et ralentir un petit peu, même quand il arrive à une verte. Mais souvent, ils sont sur une verte, puis ils regardent juste en avant, puis ils regardent pas à côté, ni à gauche, puis, ni à droite, ni en arrière, puis, alors qu'ils devraient regarder. Et souvent, ils le font parce qu'ils veulent prouver un point. Ils veulent prouver que la route est à eux autres aussi. C'est ça. Mais c'est parce que, dans le combat, là, le char, c'est Georges Saint-Pierre. Même si c'est le char qui fait une erreur, même si toi, t'es dans ton droit, tu vas perdre. Tu vas te faire ramasser. Regarde, il y en a un pauvre monsieur là, qui s'est fait ramasser. Il y en a un monsieur qui a frôlé la mort. Là, un homme d'une soixantaine d'années sur Louis XIV hier. Là, lui, il était sur sa rouge en plus. Lui, il a brûlé la rouge. Là, évidemment, il est arrivé ce qui devait arriver. Là, il y avait un char qui était sur sa verte. Il est rentré dedans. Il s'est fait frapper. Puis honnêtement, je suis assez surpris que ça arrive pas plus souvent que ça, Denis, là. Des histoires comme on a vu en fin de semaine à Charlebourg, où le monsieur était inconscient là, quand les secours sont arrivés. Ils l'ont réanimé, ils l'ont sauvé à vie. Là. Mais je suis surpris qu'il n'y en ait pas plus souvent de ça, de ce genre d'accident-là. Même sur une verte, je pense qu'un cycliste se doit de conduire son vélo comme on conduit nos chars, en pensant qu'il y a juste des imbéciles autour d'eux autres. Mais ils le font pas. Je me suis fait couper en fin de semaine sur une intersection hantée où il n'y a pas de stop et il n'y a pas de lumière par un vélo. Coupé, là. Pas, moi, j'arrête. J'ai pas de stop. J'ai pas rien. Là. Moi, normalement, je continue. Le bicycle part de l'extrémité gauche, me coupe, rendu en avant de mon char, il me fait son signe de bras, là. Ah, oui. Ah oui, mais innocent, là. Ton signe de bras, d'un, c'est plus le temps de le faire. De deux, à vitesse que j'allais, le cave, il a fallu que je mette les deux pieds sur le même break. J'ai manqué de te tuer. Pis c'est toi qui est pas prudent parce que tu veux prouver quel point précisément là. T'as pas gagné le maillot jaune. Si ton cardio est meilleur, bravo, je te donne une médaille et un biscuit, là, mais t'as quand même risqué ta vie, là. Pis leur espèce d'habitude de vouloir rouler quasiment au milieu de la chaussée, je commence à être écœuré aussi, hein. De vouloir rouler en plein milieu. Ouais. Devant les autos, ça, je commence cette année. Mais gars, vois-tu, je te parlais tantôt de Montréal, du nombre de contraventions qui sont en augmentation à Montréal, OK, depuis 2010. Ils sont allés au coin Berry et Cherrier, en plein sur l'île de Montréal, en plein cœur de l'île de Montréal. En une heure, ils ont constaté une centaine d'infractions au code de la route. Une centaine en une heure. C'est plus qu'une infraction à la minute commis par des cyclistes. Un stop, une lumière pas respectée, plus qu'une à la minute. C'est du stock en maudit, là. Salut Jean-Michel. Il dit qu'il fait plusieurs milliers de kilomètres par année à vélo. Il fait de la compétition sur route. Il dit « Je respecte scrupuleusement les règles de la circulation. » Mais je suis d'accord avec vous que plusieurs cyclistes se comportent en imbéciles et ça me fait royalement chier. Que je sois en auto ou en vélo, j'en engueule régulièrement quand je suis moi-même à vélo. Puis effectivement, les cyclistes qui se comportent correctement sur la route devraient être les premiers à être excessivement sévères avec ceux qui se comportent en imbéciles. Exactement, exactement. T'sais? Et les policiers, appliquez donc les... appliquez-le donc la... les règles de la sécurité routière, appliquez-les. Si vous voulez empoigner, là, c'est pas compliqué. Installez-vous une journée au lac Beauport, là, à la lumière qu'il y a là, pas loin du relais, là. Parquez-vous là, là, puis attendez la journée. Mes deux gars qui sont là toutes les fins de semaine, puis qui se font un plaisir de couper les chars sur une verte, là, vous allez pogner, là. Regarde, m'a nommé un coin, là, mon coin chez nous, là, Marina de Cap-Rouge, là, la côte Saint-Félix, la côte aussi, là, qui descend vers vers la Marina de Cap-Rouge, là, c'est épouvantable, épouvantable, des gens. Suicidaires, qui ont un comportement suicidaire à pas respecter les feux de circulation pis à se garocher de 20 chars. Risquerais-tu ta vie pour prouver que t'es meilleur qu'un autre? Tu es malade, toi. Tu es malade. Est-ce que vous faites les cyclistes, quelques cyclistes en passant, vous risquez vos vies juste pour prouver que vous êtes meilleur, plus en forme et plus green que nous autres? L'été passé, je n'ai vu une couper un autobus pour prouver qu'elle existait, là. Ouais. Écoute-moi, là, écoute-moi Isabelle Armstrong, là, c'est parce que t'as rien prouvé à personne, t'as manqué mourir, là. Ben, c'est ça. Puis ça vous tente vraiment de devenir quadriplégique juste pour prouver votre point? Il y en a qui passent proche de ça, là. Puis la réalité, elle ne changera pas. La réalité, c'est que la route, essentiellement, appartient en pourcentage, en importance et en format aux automobilistes. Ah, ça, ils le reconnaissent pas. Je sais, pour eux autres, c'est égal. Mais c'est d'égal à égal. C'est complètement fou. Ça fait mal, peut-être, de l'entendre, mais vous allez l'entendre là, vous allez l'entendre dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Ben oui, mais où est-ce qu'on va? Moi, je m'en fous un peu, là. Moi, ce que je vous dis, c'est la réalité. Si vous pouvez faire semblant qu'elle n'existe pas, là. Si vous pensez que vous êtes légal de l'automobiliste, vous êtes fourraide, là. Fourraide, là. On doit faire attention aux cyclistes, nous autres aussi, les automobilistes. On doit faire attention, puis porter attention à ça, puis regarde, tenir compte de ça. Mais je pense que l'habitude des automobilistes, pour bien du monde, c'est de chauffer comme si tout le monde était des caves. Ça, on nous l'a inculqué, puis ça, je pense qu'il y a beaucoup d'automobilistes qui l'ont compris, mais pas les cyclistes. Le moustique n'est pas légal de l'humain. Non. Je ne suis pas légal de Georges Saint-Pierre, puis d'une collision entre un char et un bicycle, vous allez perdre. Même toi puis moi, dans un ring de lutte, ça se peut que tu m'écrases, là. Dupont m'écraserait dans un ring de lutte. C'est ça la réalité, là. T'as déjà écrasé sur une patinoire. Ben oui, mais c'est ça la réalité, là. C'est toi qui avais l'élan. Les vélos, vous êtes pas égaux. C'est le meilleur exemple, ça. La collusion Landry-Dupont, c'est Landry qui avait le swing, mais il était plus petit. Qu'est-ce qui est arrivé? Il n'y avait pas juste le swing, il y avait le vin dans la bedaine aussi. Ben oui. Il n'y avait pas droit de doigt. Mais on n'était pas égal. C'est pareil. Platement parlant, le cycliste, que ce soit de sa faute ou pas, va toujours perdre dans une collision avec une voiture. Soyez donc plus prudent que tout le monde. Conduisez votre vélo comme je conduis mon char, avec la certitude qu'il y a rien que des imbéciles tout le tour de vous autres. C'est ça. Vous allez vous protéger, puis vous allez aider tout le monde. Exactement. 9h23, on se